Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Juste un gamer. Marilyn. Testeur Alpha. Arcade Retro. Joe. Pour le podcast des accros, bienvenue à cette première édition de l'année 2015. Yay! Comment ça va, messieurs, mesdames? Ça va, ça va. Ça va bien. Ça va bien. Pas si peu. Ok! Non, c'est... Un autre bug. Il y a passé beaucoup de choses durant le temps des fêtes, mais avant toute chose, il faut quand même prendre quelques temps pour voir ce qu'on a fait durant le temps des fêtes. Et je crois bien que les fans aussi ont hâte de savoir qu'est-ce que vous avez fait durant le temps des fêtes. Fait que je vais commencer par Joe. Qu'est-ce que tu as fait durant ton temps des fêtes? Hey, pour la première fois en 9 ans, j'ai eu des vacances. J'ai eu des vacances pour les fêtes, fait que j'ai dormi. Puis j'ai gamé. C'est pas mal ça en fait. Mais non, c'est ça, le temps des fêtes, je me suis fait un beau petit cadeau, fait que j'ai maintenant une Wii U. Donc, si vous voulez, je vous casse la gueule à Super Smash, ben, ajoutez-moi. C'était John Vorpal, mon nom. Fait que venez-vous-en, bring it. On va vous casser la gueule avec Peach. Ok. Sinon, quoi d'autre de nouveau? Dernièrement, je me suis acheté du matériel. Je commence mon projet YouTube dans pas très long. D'ici une couple de mois, je vais commencer à faire ça. Donc, je me suis acheté du matériel pour faire ça. Je commence à écrire mes scénarios, je commence à préparer ça. Ça s'en vient. Sinon, beaucoup de League of Legends. J'ai joué avec Giz assez longtemps à League of Legends pendant les vacances. On avait un horaire où on jouait jusqu'à 4-5 heures le matin, plusieurs jours consécutifs. Fait que c'est pas mal ça mon week-end, mon temps des fêtes. Oh my god, en tout cas, toi quand t'as des vacances, tu fais ça très intense jusqu'à 5 heures du matin, c'est ça que je comprends. Ouais, tu dors à 5 heures, tu te réveilles à 11 heures, t'es correct. Mm-hmm. JP, de ton côté, ton temps des fêtes, ça a eu de l'air de quoi? Finalement, je me suis acheté un Xbox One, puis j'ai joué. Quoi? Ouais, c'est incroyable. Oh, pas un Xbox One, et où le piton kick? On s'en fout sérieux, là, cette affaire-là, de genre, qu'est-ce qu'on achète? Tu sais quoi, là, dans le fond, là, guide-toi par rapport à qu'est-ce que tes chums ont. Puis si tes chums, là, ils ont. Moi, j'ai des chums là, qui ont tout acheté du PlayStation 4, mais c'est quoi, ils avaient tous des 360 avant, puis qu'à chaque fois que je voulais jouer, ben ils voulaient jamais jouer, ils avaient pas le temps, puis c'était pas les mêmes jeux qu'on jouait. Fait que dans le fond, c'est pas un argument qu'ils aient un PlayStation 4. Même si j'achèterais un PlayStation 4, je jouerais pas plus avec eux. Fait que dans le fond, j'ai acheté un Xbox One pour jouer aux 2-3 personnes que je connais qui jouent, que je joue déjà plus avec eux. Puis anyway, hein, ceux qui ont PS4, on s'en fout. non, mais pour de vrai, c'est la raison, c'est l'argument. Là, qui prend quoi, puis dans le fond, tu sais, je joue pas à Halo, fait j'ai pas acheté ça pour Halo. Mais bon, j'ai joué à Assassin's Creed Unity, GTA 5 en first person tout le long, fait que je suis rendu vers la fin de la campagne. L'online est vraiment hot. Le first person, c'est comme un tout nouveau jeu, on dirait que c'est comme un gros méga Call of Duty avec une histoire hot, mais à la GTA Sandbox. J'ai joué à Hammer Watch au PC, il était en spécial pour une pièce sur Steam. C'est comme un genre de gauntlet, si tu veux, avec des personnages fait un peu en 8-bit. C'est super bon. Il est vraiment bon. C'est bon. J'ai joué à Left 4 Dead 2 que j'avais downloadé quand il était gratuit puis que j'ai pas joué beaucoup. Dans le fond, j'avais pas joué pantoute depuis que je l'avais. Beaucoup d'écriture, beaucoup de projets perso à avancer durant le temps des fêtes. J'ai pris de l'avance dans des vidéos, mais ça ressemble pas mal à ça, mon côté gaming. Arcade, juste pour dire, il y a Retour vers le rétro sur le chat qui dit que il se demande si t'as trouvé ta Xbox One dans un Kinder Surprise. c'est un Kinder Surprise à 400$, puis je me demandais c'était quoi la surprise. Je suis pas mal surpris de voir ça. Il a-tu fallu ta montre? Oui, il fallait que j'en monte, puis il était comme fait en plastique poche, man. Oh. Ok. En passant, je viens de voir ta liste d'amis de Facebook, t'en viens d'en perdre 7 d'une shot. Fait quoi, à cause du Xbox One, tu bring des racistes. Tu lui rentres à cause du choix de console, ben d'abord, je te mérite pas dans mes amis. Les abonnés sont en chute libre aussi. Ouais, c'est ça, tout le monde. C'est le monde de l'apocalypse à cause d'un Xbox One. Mais sérieux, là, venez vraiment me donner un super bon argument là, tangible pourquoi plus un que l'autre. Et hey Jug, de ton côté? Moi, le temps des fêtes, j'ai dépensé pas mal. Donc, ceux qui me suivent sur Facebook ont pu voir toutes mes dépenses que j'ai faites durant le temps des fêtes. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui la plus grosse dépense que j'ai achetée à la fin de l'année 2014, mon PS4. Parce que moi, j'achète pas des Xbox One. Yes, sir. C'est sûr, parce que quand on avait un 360 et j'avais ton Gamer Tag, je te voyais jamais online. Fait que ça changeait rien. D'ailleurs, c'est ça. Mon 360, il dort. Là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai dépensé de grosses argent sur ma console Dragon Quest PS4. Puis j'ai acheté une Retron 5 aussi. Puis j'ai acheté plein de manettes. Puis plein d'affaires pour toutes mes autres consoles. Fait que l'argent est sorti. C'est ça. Puis j'ai joué à plein de jeux, comme Shantae, The Pirate's Curse. J'ai commencé Child of Light, qui est un excellent jeu. Très bon. Ouais, et juste la toune au début, là, c'est magique cette affaire-là. Puis j'ai commencé The Evil Within, ça a PS4 aussi. Fait que. C'est ça, là, c'est ça. Mon temps. Tu es occupé de ton bar? Ouais, pas mal, là. Vu que je suis en congé forcé, c'est ça. Marilyn, qui est aussi en congé forcé, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Qu'est-ce que tu as fait durant ton temps des fêtes? Beaucoup d'écriture de mon côté aussi, un peu comme Arcade Rétro. J'ai joué un peu de mon côté aussi, surtout du Mario Kart 8, que c'est mon grand amour ces temps-ci, fait que ça prenait ça dans ma vie. J'ai pas encore ça. Je voulais juste rajouter que ça paraît qu'on est un couple parce que la Wii U est rendue à 50-50. En effet. Et sinon, à part de ça, j'ai pas joué tant que ça. J'ai pas ressorti ma 3DS. Je pense que je m'ennuie un peu d'elle d'ailleurs. Je crois que je la ressorte en 2015. Beaucoup écouté de films, découvert des nouvelles séries sur Netflix. Et c'est pas mal ça. Ah oui, puis j'ai eu un superbe cadeau de la part de mon collègue ici. Une superbe caméra. De vlog, donc vous risquez de me voir avec cette petite bibitte dans les conventions éventuellement. Donc, ouais, faut l'HD en plus. Donc, vous allez voir, on va tous voir vos petits défauts en HD, c'est cool. T'as-tu aimé mon cadeau? D'après toi, tu l'as vu en vidéo. Ils l'ont tous vu en vidéo à quel point j'ai adoré ton cadeau. T'as fait combien de temps? 2h30? Oh, c'est pas si pire. C'est mieux que je pensais. Et c'est assez traumatisant comme jeu, par exemple. Il faut le dire. Ouais. Inquiétez-vous pas, j'ai encore ma meilleure idée pour le prochain. Et Homer, il est d'accord avec moi. Alphonse, de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé de bon durant ton temps des fêtes? Écoute, moi j'ai fait beaucoup de montage pour avancer tous mes projets. Là, puis je suis loin d'avoir fini. J'ai à peine eu le temps de jouer. J'ai joué un peu à Heroes of the Storm et à Hearthstone, qui sont pas mal mes deux top jeux en ce moment. Là. Mais sinon, ouais, ça a été assez relax. Là. Beaucoup, beaucoup de montage de mon côté. Alors, de mon côté, j'ai énormément gamé comme j'ai pu. On s'entend que dans la limite du possible, je travaillais quand même durant le temps des fêtes. Fait que j'ai quand même pris un petit peu de temps pour jouer. J'ai terminé mes campagnes dans... j'avais une partie de game de God of War il y a 6 ans que j'avais terminé, que j'ai fini. J'ai commencé une game de Final Fantasy Tactics. J'ai commencé une game... j'ai quasiment fini Donkey Kong Country Returns sur Wii. Et je me suis commencé une game de... j'ai terminé ma game de Stick of Truth de South Park, que j'ai vraiment eu le temps de finir et que j'ai apprécié, comme vous avez pu voir dans ma petite vidéo que je vous ai montrée la fin de semaine passée. En titre, je pense qu'il n'est pas encore arrivé, fait que je pense qu'il va devoir embarquer dans les nouvelles. Alors, c'est le temps des nouvelles! Tout d'abord, juste pour vous rappeler également, gang, qu'on est présent au JAnimé 2015, qui est situé à Gatineau, le 23, 24, 25 janvier prochain. Pour plus d'informations, allez sur janime.ca. JAnimé.ca. J'ai fait un petit shameless plug, mais ça valait la peine. Et on a vu qu'est-ce qui se passe le vendredi, man? Oh yeah! Ah oui donc! On en a parlé un petit peu, mais pas beaucoup. Non, pas tant que ça, fait que je te laisse l'honneur, vu que c'est toi qui l'introduis. C'est moi qui ai introduit, OK? Ben, ça là, j'ai introduit des affaires. Ben, dans le fond, le vendredi, on a... Bon, je sais que Philida, c'est déjà sorti sur le web, mais c'est, il va être reprojeté, hein, il va être réintroduit dans vous, Philidas. Puis ça va être... on a un bloc à partir de 22h le vendredi soir. Fait, pour ceux qui prévoient arriver le vendredi pour leur magnifique fin de semaine au Janim, ben, le vendredi soir, on peut démarrer cet événement de 48h. Fait qu'on a la salle à 10h. On va avoir une projection de Philidas pour les gens qui l'ont vu ou qui ne l'ont pas vu. Mais avant, on va faire un genre de petit panel. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est un genre de petit jeu. Fait qu'on a un jeu questionnaire quiz que j'animerai. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Fait que pour ceux qui vont être présents ou viendrez nous voir dans la salle, qu'on n'a pas encore le nom de la salle, mais on va être là à 22h. Puis, on va vous faire un beau petit jeu animé. Fait que je pense que ça va permettre aux gens qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas de nous découvrir et de rire de notre gueule. Donc, ça va ressembler à ça, je pense. Ça va être bien le fun. Puis, on va pouvoir finir la soirée avec vous. Et on démarre la fin de semaine ensemble le lendemain. Yeah. Good. Alors, en passant, on dit un beau bonjour à Antithèse. Bonjour, Antithèse. Et bonjour. I'll be back. Allô. Alors, Antithèse, tu connais tu connais qu'est-ce qui arrive au retardataire? Je sais pas si c'est vraiment un retard, que c'est juste pour Internet qui est juste cave. Parce que les gens m'ont quand même vu avec sa plante, là. Fait que, ouais. Là, ma carte de sauvegarde. Ok, est-ce qu'on te laisse passer ou pas? On lui fait-tu chanter quelque chose? Ben, c'est sorti quelque chose, peut-être là, c'est négociable. Oh, on fait chanter un petit quelque chose. Jigglypuff, Jigglypuff, Jigglypuff, c'est correct, elle, on vient de perdre 5 personnes parce que tu viens de commencer à chanter, c'est correct. Et voilà. Non. Quel grand merci, mesdames et messieurs. Parfait. Rapidement, PL, durant ton temps des fêtes, qu'est-ce que t'as fait de bon? Pour beaucoup être malade, et une bonne malade va prouver, pas le temps niaiser. Ah, ok. Donc, vous avez compris? Non. Ou être malade, donc après me reposer, pas le temps de niaiser. Ouais. Ouais, je te dirais que ça avait plus l'air d'un Microsoft Sam qui avait de la misère à parler. Microsoft Sam a du lag. Écoute, il y a vraiment du lag à tour de bras. On va commencer les nouvelles, si jamais ça commence à aller un peu mieux, PL, au pire, on t'introduira au fur et à mesure. Non, c'est ça. Nouvelles du jour. Alors, j'ai quelques nouvelles pour vous. On va en discuter avec vous. D'abord, un projet que je sais que Alphonse a très hâte, le projet Overwatch, qui va sortir dans ces jours. Pourquoi j'ai hâte à ça, moi? Le FPS de Blizzard. Ouais. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que c'est, mais je suis pas comme ah, j'ai hâte. Ben, ça se peut que le projet change de nom. Ah ouais? Oui, à cause de quoi? À cause qu'il y avait un jeu qui existe, qui s'appelle aussi Overwatch, qui c'est un jeu paintball qui avait eu un financement Indiegogo, et Blizzard doivent essayer de s'entendre avec la compagnie Innovis Labs afin d'avoir le nom Overwatch, sinon ben, ils peuvent être poursuivis pour copie du nom. Alors, Blizzard. On sait pas. Ouais, Blizzard reste de... Donc, reste à voir qu'est-ce que Blizzard vont faire. Est-ce qu'ils vont décider d'acheter le nom Overwatch à un prix exorbitant ou ils vont tout simplement changer de nom? Donc, on va juste vous rappeler que ça s'est déjà passé auparavant. Notre chère compagnie Blizzard a déjà tenté de nommer Heroes of the Storm Dota, qu'ils n'ont pas eu le droit d'utiliser. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix d'appeler le jeu Heroes of the Storm parce qu'il n'y avait pas Dota comme nom. Autre nouvelle du côté du jeu vidéo, saviez-vous que le deuxième recherche la plus fréquente sur YouTube, c'est Minecraft? C'est quoi la première? Le premier, c'est Music. Ah, je pensais que ça arrêtait porn. Ben, moi, j'ai résultat ici. Alors, numéro 1, on dit la musique. Après ça, on dit Minecraft. Troisième, on dit Movies. Quatrième, ça va faire plaisir à Mary, Frozen. 5, Drake. Arc. 6, Beyoncé. Ah, sept. Les deux, c'est pas lui qui a frappé. C'est Chris Brown, pardon. Ouais. 7, PewDiePie. 8e, Happy. Et 9e, Eminem. Ok. Il y en a qui font du sens, il y en a qui font un peu moins de sens. Mais, correct. Tu parles de Drake, genre? Ben. Non, mais genre, music. Ouais. Je trouve ça bizarre, music. Qui c'est qui tape music dans YouTube? Pas moyen, en tout cas. Quand non, tu cherches la musique. C'est peut-être Eminem Music, puis l'autre c'est quelque chose Music, mais Music se retrouve dans toutes les recherches, fait que ça devient le mot le plus recherché. Là. Tu sais, il y a quelqu'un qui peut-être qui cherche porn music, puis c'est ça que ça donne. Ouais, moi, je trippe là-dessus, c'est comme des concours de musique. Là, c'est... un film porno que tu cherches porn music. Sérieux, j'aimerais comprendre c'est qui fait la porn music. Probablement la même gang qui font la musique d'ascenseur. Ouais, ça là, le style, hein, c'est ça. Quand tu l'entends, tu te dis, ouais, ça c'est une musique d'ascenseur, ça c'est une musique de porn. Là. Tu peux t'imaginer la scène en plus. Tu sais. Il y a juste plus de groove dans la musique de porn. Ils rajoutent de la bass, puis là, tu as de la musique de porn. On parle-tu vraiment de ça dans un podcast des ados? Et ce podcast est une présentation de Jeux Rétro Revo! Pour tous vos accessoires! Oh man. Sûr qu'on peut y retourner la prochaine fois, je suis pas sûr qu'ils vont nous laisser rentrer. autre nouvelle également, on a eu une nouvelle de la part de Nintendo qui vont nous sortir Majora's Mask sur 3DS. Je pense que la plupart des fanboys, incluant moi, étaient fous comme de la marde par rapport à Majora's Mask sur 3DS. Mais également, Nintendo nous a annoncé récemment qu'il allait avoir un coffret qui va sortir aux États-Unis et incluant le Canada. Du Legend of Zelda Majora's Mask 3D avec une figurine de Skull Kid qui est vraiment jolie. Je dois vous avouer, je la trouve vraiment jolie. Et pour le prix de 49,99, vous allez recevoir un beau packaging avec un steelbook, un poster de deux côtés ainsi qu'un petit badge. Ah non, excusez, ça c'est pour la version Europe. Je me suis trompé. C'est juste la figurine pour la version américaine. Mais je sens que ça va pogner, ce coffret-là, ça va se vendre comme des petits pains chauds. Je sais pas votre avis, là. Ben, oui, c'est sûr. Mm-hmm. Je pense que toutes les précommandes sont déjà toutes passées, fait que... Mm-hmm. Qu'on peut plus le commander. Fini. Non. Ici, c'est ma dernière nouvelle que j'ai de mon côté. Après... Ah non, j'en ai une autre, excuse après. Avez-vous vu les images pour le jeu vidéo du Donjon de Nalbuck? Oui! Nope. Genre Diablo. Hein? Ouais, genre. Ah ouais? Mais avec un truc, un style un petit peu plus tactique, c'est un peu. Là. Ouais, ben, genre, un mélange entre tactique puis Diablo. C'est juste un crawler. Là. Mm-hmm. Les images qu'on a vues. Un petit peu du Baldur's Gate, on dirait. Ouais, Baldur's Gate, tu choisis ton party, t'es fait bouger en real time, puis le temps est comme arrêté. Là. Mm-hmm. Donc, ça risque d'être intéressant, surtout que POC travaille, Penner Chaos travaille également sur le projet. Et on sait que POC sera présent au Genime. Alors, vous pouvez peut-être poser vos questions à POC. Donc, ça peut être très intéressant. Et sinon, dernière nouvelle de mon côté, on a nos amis du Club des collectionneurs de jeux vidéo qui viennent d'annoncer la prochaine réunion du Club des collectionneurs de jeux vidéo. Le 21 février de 13h30 à 19h30, c'est situé au 3090 Avenue de Pépinière à Montréal. Et pour y avoir été la dernière fois, c'est une très belle salle qui vaut vraiment la peine. Et là-bas, ben, vous pourrez échanger avec d'autres gamers, échanger avec les collectionneurs et également acheter et trouver des jeux que vous recherchez peut-être. Pour plus d'informations, allez sur le groupe, allez sur le site internet CCGVQ, CCGVQ.com. On va aller voir nos fans sur le chat. Ouais, bon. C'est pas moi. Jimmy Belmar qui dit que les coffrets de Majora's Mask ont été sold out après 2 jours. Il y en avait combien? On sait pas. Ça, je sais pas, par exemple. Je sais que la majeure partie du monde n'a pas eu le temps d'en commander. Moi, ouais, GameStop, genre le jour même, il n'y en avait plus disponible sur Internet. C'était vraiment en quantité ultra limitée, faut dire. C'est Rolac Gaming qui dit allons tous au J'Anime. Allons tous au J'Anime. Un endroit de plus en plus gros. Miam, miam, miam, des bons invités. Miam, miam, miam, j'ai hâte d'y aller. C'est devenu, je sais que c'est pas dans nos nouvelles, mais c'est drôle parce qu'imagine si ça devient la convention où est-ce que le monde se réimagine à chaque fois pour leur vidéo d'annonce de convention. Puis on se fait une genre de mini compétition, le fun. Puis ça devient tout le temps de plus en plus big. Tu sais, comme, c'est pas comme Econ, c'est plus petit, hein, mettons, en envergure. Mais nous autres, on se démène pour essayer d'être original dans notre annonce depuis cette affaire-là de Luduc. C'est la faute à Luduc. Toute la faute à Luduc. Qu'on le pende! Non. OK. Qu'on lui dégraisse ses cheveux à place. Oui. Dis-toi, mais dans un sens, c'est quand même cool parce que c'est de l'express. Je veux pas, c'est... Ce que Luduc a apporté dans sa dernière vidéo, c'est quand même beaucoup d'imagination, là. Puis on s'entend, en YouTube, des fois, quand tu prépares quelque chose d'ultra rapide, des fois, l'inspiration est pas là, mais lui, il l'a eu tout de suite comme ça. Puis il a poigné, là. Écoute, on s'entend, Alpha l'a utilisé, Guillaume a fait sa propre version, nous autres, Marie pis moi, on a essayé de tenter quelque chose de dans ces alentours-là, parce qu'on pouvait pas réellement réinventer la roue non plus. Fait que ça a fait en sorte que ça a quand même fait un bon mouvement de... Ben, il y a une toune originale, tu sais, c'est la toune de Passepartout, mais il me semble que c'est un remix original qu'il a, là, il l'a trouvé, ou c'est un gars qui l'a fait, il me semble, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Là, c'est quand même pas. Moi, j'ai essayé de faire un rap, là, fait que... Ouais, ça avait de l'air gangsta, gangsta 90, je te dirais. Tu sais, proche entre du Coolio pis du Puff Daddy. C'est du Geek's Paradise, man. Inventing monster lies and living a geek's paradise. Sinon, à part ça... même Guillaume 32 qui dit « Moi-même, je le dis dans mon annonce que ça met la marche haute pour annoncer l'avenue au J'Anime. » Effectivement, puis je pense que l'année prochaine, comme on se disait, on n'aura pas le choix de faire quelque chose de encore plus gros, là. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Ah, le prochain que je vais faire, ça va être avant de sauter d'un parachute. Je vais être dans un avion. Hey, « Je m'en fous, J'Anime! » Je vais sauter en avion. Le prochain, genre dans un sous-marin russe à côté d'une bombe nucléaire, puis je sais pas. Du coup. T'es cheap, man. Moi, je m'en vais sur la Lune pour tourner mon annonce. Oh ouais, je m'en vais sur Mars, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Je m'en vais dans le soleil, de bord. Ça va être mort. Je m'en vais dans une autre galaxie. Je m'en vais dans un autre système solaire. Je m'en vais dans le Romano Farfar. Oh. Là, je m'en vais dans la Death Star avec Darth Vader. Puis moi, je vais rester sur mon couch. Non. Ça existe pas, JP. Oui, ça existe. Le Death Star existe. C'est plus qu'une étoile. C'est pas une étoile. Non. That's no moon. Star Wars, c'est tout vrai. Oui, c'est vrai. Darth Vader, il existe de vrai. C'est une galaxie loin, loin, loin. Il y a bien, bien, bien longtemps. Marilyn. Oui, oui. Philippe oui. Saint-Jean qui aimerait te voir dans un costume de sirène. Non. Depuis que j'ai proposé à Douteux d'aller faire le cours de sirène, le monde s'est rendu fou avec cette... Ce site-là où est-ce qu'on offre des cours pour devenir des sirènes. Moi, je mets Luduc au défi d'être déguisé en sirène, par exemple. Je suis sûr qu'il va le faire. Ça va être un beau triton. Hey, Joe! Non. Je le fais si tu le fais. Non. Ah ouais. Chris, ça va me prendre 3 sous, testi. Ben non. Pas de problème. Fuck that. On va être les plus gracieuses. On va être la plus belle. Je me prends fort sur vos maquillés, les gars. Non, c'est correct. C'est bon. Ça va être correct. Je ne verrai pas en tant que sirène. Ça n'arrivera pas. T'as trouvé ça drôle. Ouais, mais non. Je préfère être pogné dans les balançoires puis les glissades. Fait que non, si jamais vous voyez des affaires étranges comme ça, postez-nous ça sur le groupe de Facebook, on va juste rire. On va en rire avec vous autres. Gucci anime. Ouais, allez-y. Tu l'as vraiment dans la tête, hein? Comment est-ce qu'on fait pour... Tu fais un rap. Moi, pour de vrai, je l'avais dans la tête, je le chantais. À un moment donné, j'étais dans ma douche, je me lave, puis j'ai fait « Ok, là, ça marche fucking pas, là. J'étais en train de chanter à tune dans ma douche, la fredonne, je dis « Ça ne marche pas. » Ben, c'est comme la tune du clapanton, la tune est quétaine, tellement que ça rentre dans la tête. Moi, j'ai dit « Je vais m'en mettre un autre dans ma tête, puis c'est pour ça que j'ai fait mon affaire de rap, là. J'ai fait « Là, au moins, je vais avoir ça dans ma tête, puis pas sa tune. » Ouais, entre toi et D-Natural... Ouais, parce que The Natural is back! Non, vous connaissez pas. Oh, ouais, sort, on s'est pas qui embarque dans la baraque! Oh mon dieu, Joe qui connaît les paroles en plus! Ouais, The Natural comme... is back! Des canons à neige, des canons à neige! Le plus gros, c'est que Joe la chante pas. Je pense que c'est un gars de Québec. Le français est ma ville, le Québec est ma langue. The Natural est mon nom. Non? Non. Non. On va partir avec le sujet du jour. Est-ce que tout le monde veut rester pour le sujet du jour? Oui! Yes! Je vais peut-être rester un petit brin, mais devoir vous quitter vers les 9h, genre. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va parler de Super Mario World. Premier Super Mario qui est sorti sur Super Nintendo. C'était moi à l'époque. Quand j'ai eu mon Super Mario World, je l'ai eu avec la console, fait que c'était en bundle avec ce jeu-là. On va en parler aujourd'hui, on va en parler de l'impact que ce jeu-là a eu sur nous autres. Est-ce qu'on trouve que c'est un très grand jeu ou si c'est un jeu plutôt moyen? On va en discuter avec vous autres aujourd'hui. Et si vous êtes sur le chat présentement, n'hésitez pas à discuter avec nous au courant de la soirée. Et on va probablement prendre vos suggestions, vos commentaires et vos questions au courant de l'émission. Yeah. Vos premiers souvenirs avec Mario World, vos premiers souvenirs, la première fois que vous y aviez joué, est-ce que vous en souvenez? Je vais commencer avec, Alphonse, est-ce que tu as ton premier souvenir de Mario World? Je devais avoir 8 ans. J'avais pas la Super NES parce que moi, j'ai eu jusqu'à temps que j'aille la PS1. Genre, on va savoir pourquoi. Fait que j'avais pas la Super NES, mais j'avais un ami qui l'avait. Puis évidemment, il y avait Super Mario World. Je devais avoir 8 ans. J'étais tout le temps rendu chez eux pour jouer. Même qu'une fois, je me souviens, mon ami n'était pas chez eux, mais sa mère était là. C'était quoi ça? Non! Ouais. Elle est cognée chez eux. Quand sa mère m'a dit que mon ami n'était pas là, j'y ai demandé quand même si je pouvais rentrer pour aller jouer au Nintendo. Oh! Oh! Elle m'a dit oui, elle a dû me trouver cute. Oh, ouais, c'est ça. Et après ça, quand ton ami l'a su, étais-tu content? Go, dis-le. Ma mère était tout nue dans le lit, pourquoi t'as fait ça? C'est pour ça que je suis rendu traumatisé depuis ce temps-là. Jack, de ton côté? Moi, j'ai joué à Super Mario World avant qu'il sorte ici parce que j'avais un ami qui, son père, lui, il voyageait beaucoup. Il était, je sais pas trop, il faisait de la business. Je sais pas, je l'ai jamais revu, ce gars-là. Il avait rapporté son gars à un Super Famicom avec Super Mario World dessus. Puis là, on a joué à ça, puis je trippais bien raide, puis j'avais remarqué que c'était marqué Super Mario Bros. 4 dessus. Okay? C'est ça le sous-titre de Super Mario World, c'est Super Mario Bros. 4. Fait que là, quand il a déménagé, puis là, j'ai plus jamais revu ce gars-là, ben quand il est sorti ici, j'ai dit « Hey, j'ai joué à Super Mario Bros. 4 à tout le monde. » Tout le monde riait de moi parce qu'il disait « Ça existe pas, Super Mario Bros. 4. » Puis je me suis fait des ennemis à cause de ça. ça, c'est mon souvenir le plus evil que je me souviens de Super Mario World, c'est que personne ne m'a cru quand je lui ai dit que j'avais joué à Super Mario Bros. 4. Ça me fait bien chier. Prochaine fois que vous voyez notre cher Jog, allez donc y faire un câlin. Surtout si vous êtes, une belle fille, je pense qu'il va être bien content. Donc, allez faire un câlin à Jog. Parce qu'il a subi du bullying. Si vous êtes un gars, vous pouvez le faire à peu près un mètre. Vous êtes correct. On va t'en faire un méchant en gros câlin, tu vas voir. Avec la langue. Avec le poil qui vient avec, là. Oh, et là, juste pour ça, ça va à peine. JP, de ton côté? Mon initiation à Super Mario World, c'était un petit peu comme, comme Alpha il disait. Moi, j'avais pas de Super Nintendo. On était pauvres, on vivait en dessous d'un pont dans des boîtes en carton. Non, c'est pas vrai. On n'avait pas de console. Les consoles, c'était comme cher, puis j'avais juste pas de console. Mais la mode est encore à louer des consoles. Fait que nous autres, à chaque fois qu'on faisait des parties de Noël, le 24 ou le 25, souvent, il y avait plein de monde qui venait, comme la famille plus large, la famille étendue. Puis il y avait tout le temps un gars de la famille qui était le chum d'une amie qui, lui, louait un Super Nintendo, puis il l'amenait. Fait que lui, il louait le Super Nintendo, il avait une ou deux manettes, il y avait Super Mario World qui venait avec, puis il louait tout le temps Top Gear. Fait que c'était comme les deux jeux qui venaient avec, puis des fois, moi, c'était rendu que je prenais l'initiative de louer un jeu en sachant qu'il venait chez nous, puis genre, je louais Final Fight, mais c'était comme la fois que je jouais à Super Mario World, parce que tout le monde pouvait jouer. T'sais, les kids qui étaient là, c'était pas violent, c'était pas trop tough, puis c'était l'initiation que j'avais. Après ça, oui, je me suis acheté un Super Nintendo, puis c'était un des jeux que j'ai joué le plus. Mm-hmm. Ouais, je peux continuer. PL, t'es plus là! À part que là, c'est moi qui parle et Bon, j'ai l'impression qu'il y a une cascade en arrière de chez vous. Ouais, mais c'est pas que... Tu dans ton salon? Non, parce qu'il y a rien, t'as une minute. Ouais. Oh, non. Non, tu passes-tu de quoi, ou... Il y a du gros vent, là. Ouais. Moi, j'entends. Moi, j'entends rien, mais bon. Je peux continuer à parler de Mario World, si tu veux. Ouais, tu peux continuer. Ah, d'accord. Bon, ben, c'est ça. C'était mon souvenir. Tu sais, c'était super coloré, la musique était le fun, les bonhommes étaient un petit peu caricaturales. Il y avait Yoshi. Hein? Toutes les filles aimaient genre Yoshi. Mario, il disait rien, Luigi disait rien. Yoshi était beau. Puis, bon, là, tu pouvais manger des pommes, faire des affaires. T'avais les Yoshi de couleur. C'était comme le premier jeu, on dirait, au Super Nintendo, que là, je commençais à comprendre qu'il y avait des secrets, il y avait des Secret World, il y avait des passages, il y avait des affaires. Oui, il y avait Nintendo, mais on dirait que j'étais peut-être un petit peu trop jeune à ce moment-là. Puis, c'était comme, il y avait le World Map. Le World Map était super hot aussi. T'avais des choix de level, tu voyais. Bref, c'était une belle initiation, on dirait, à la console. C'était pas voici la nouvelle console, voici un jeu extrêmement difficile, complexe. On dirait qu'il n'y a plus vraiment de ça. Mettons, tu regardes les consoles qui sortent maintenant, c'est genre, tu veux-tu le bundle avec Assassin's Creed ou tu veux le bundle avec The Last of Us? C'est comme, waouh, belle initiation pour la première console. Fait que le kid qui joue, ça a l'air que c'est ça qui commence. Quand moi, dans mon temps, je commençais avec Super Mario World ou Super Nintendo. C'est bon. Joe, de ton côté? Moi, de mon côté, ben c'est un peu comme Alpha puis Arcade. En fait, quand j'étais jeune, j'avais pas une Super Nintendo, mais j'ai un oncle qui en avait une. Puis il nous avait passé sa console parce qu'il partait en voyage pendant plusieurs semaines. Puis je suis tombé en amour avec le jeu. Je me rappelle, premier playthrough que j'ai fait, la forêt des illusions, j'ai passé facilement 3 jours à essayer de trouver s'il y avait un niveau caché. Tu sais où c'est qu'il croisait, là? Il y a comme un petit spot. J'étais sûr qu'il y avait un tableau là-dedans. J'ai passé 3 jours à essayer de trouver un secret. Finalement, j'ai appelé mon oncle pour qu'il me dise « Non, non, il n'y en a pas. C'est juste pour te mêler. » Mais le jeu était vraiment super le fun. Puis ça a été ma première expérience avec le Super Nintendo. Puis comme de fait, ma mère est tombée en amour aussi avec le jeu. Puis je pense que c'est 2 semaines après qu'elle a repris sa console. Ma mère en a acheté un autre. C'est là qu'on a commencé à refaire notre collection. Tu jouais avec ta mère? T'avais-tu 2 manettes? Ben en fait, on jouait avec 1 manette dans le temps, parce que mon oncle avait juste une, mais on jouait ensemble. Ma mère, elle joue beaucoup Super Nintendo. On jouait à Donkey Kong Country, on jouait à Super Mario. Je me rappelle qu'elle maîtrisait Cool Spot à 100% sans problème. Mais ouais, je jouais avec ma mère à Super Mario quand j'étais jeune. C'est comme le jeu parfait, c'est comme le Game Boy portatif. Ben, le Game Boy, tout le monde jouait, les adultes et les enfants. Super Nintendo, justement, les parents jouaient. On dirait que maintenant, bon là, on est la génération de gamers, fait que t'achètes un Xbox, puis ton kid, tu joues aussi. Mais c'était cool dans le temps de voir ça. Ouais, là je suis content, j'ai réussi à convaincre ma mère d'acheter une Wii U parce qu'il y avait des jeux de Super Nintendo dessus. Je sais pas, c'est quoi le vent? Moi j'ai pas de vent là. Donnez-moi un instant. Je vais couper tout le monde, voir c'est qui. Je vais essayer au hasard. Ben, si moi j'entends pas de vent, c'est sûrement moi. Là. Tu es en train de faire une brasse chez vous, quoi? Non, il y a. Là, là, je l'entends plus, là. Ouais, c'est rien de chez vous. Ah, okay, ça... ok, donnez-moi un instant. La, la, la, la, la, la, la. Si j'enlève JP, c'est là. C'est à cause de sa Xbox One. Ouais, c'est ça qui fait du vent derrière. On t'aime pareil. Joe, pardon, juste pour voir. Allô? Ah, non, c'est bien pas chez Joe, si je remets JP. C'était pertinent, Joe. Ouais, là, j'ai mon son. And then? Je veux juste entendre JP, s'il vous plaît. And then? Ah non, ça a l'air correct. I don't know. J'ai rien touché. Okay, c'était... En tout cas, on va essayer de continuer comme ça. C'est monsieur YouTube. Ah, merci YouTube. Hein? Une chance que je fais mes tests cette semaine pour qu'on puisse essayer d'aller faire un test Twitch / YouTube. Donc, inquiétez-vous pas, on travaille au travail là-dessus cette semaine. Bon. Alors, sinon, on était rendu à Marie. Ah, moi là, Super Mario World, ça a vraiment été mon jeu familial par excellence. Moi, mon plus beau souvenir, c'était les matins de fin de semaine en pyjama à jouer à Super Mario World avec mon père, à deux manettes, avec ma Super Nintendo. Ça a vraiment été, c'est un de mes beaux souvenirs de moments spéciaux avec mon papa, mettons. C'était vraiment, vraiment super. Puis, c'est vraiment le, à part Super Mario 3, ça a vraiment été le jeu que j'ai le plus joué sur la Super Nintendo, parce que j'avais une console quand j'étais petite et c'était la Super Nintendo. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Puis un peu dans le même esprit qu'Arcane, moi, c'est vraiment l'univers que j'aimais vraiment trouver les petits passages secrets, tous les petits secrets qu'il y avait dedans. Oui, Yoshi était cute aussi, je dois l'avouer. Mais ouais, j'ai vraiment, vraiment trippé sur ce jeu-là. C'était des super de beaux souvenirs pour ma part. Mm-hmm. De mon côté, j'ai découvert Super Mario World un peu plus tard. Je l'ai connu peut-être en... J'avais 10 ans, 94 à peu près. Dans le temps où j'ai eu ma première Super NES... c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment jouer complètement à Mario World et réussir à faire le tour au complet, et c'était le premier jeu que j'ai fait tout seul. Dans le sens que j'ai pas eu d'aide de ma mère, pas eu d'aide de ni de mon frère, j'ai vraiment fait tout seul. Fait que peut-être que ça a pris du temps, ça a peut-être pris un an et demi, deux ans, mais j'ai finalement réussi à faire le jeu complètement et à ma façon à moi, puis j'étais vraiment content. Parce que c'est un jeu qui n'a pas besoin d'apprendre l'anglais. Tu sais, il ne t'attend pas d'indices où il faut être à telle place ou telle place. Non, tu le découvres par toi-même, tu fais le tour complet des boss, des niveaux, puis tu es capable de t'en sortir tout seul finalement. C'est la beauté des plateformes de l'époque. Je pense que ça pouvait facilement être transposé ici. À l'époque, comparativement à un RPG qu'il fallait tout transcrire en français au complet. Ben, il n'y avait presque pas de dialogue, tu sais. Non, c'est ça, il n'y avait presque pas de dialogue, à part, tu te demandais que ça voulait dire « save and continue ». Ouais, à un moment donné, après avoir joué Nintendo, « save » puis « continue », je pense que tu commences à savoir un petit peu c'est quoi, là. En effet, oui. Mais comme tu comprends que « continue », c'est pas « end ». Tu sais, c'est comme des mots super simples que tu apprends « end », tu sais que c'est la fin, « continue », c'est en français, c'est « continue ». Save, ben, c'est comme on l'apprend. Là. Ben, c'est parce que moi, il faut dire une chose, ma mère comprenait Sweet Fuck All en anglais, fait que lorsqu'on voyait un save, elle comprenait pas ce que vous voulait dire. Ah ouais, j'avais acheté Link to the Past en français, man, j'avais acheté ça aux distributions de consommateurs. J'étais arrivé chez nous, je le déballe, je mets le jeu, c'est en français. Je suis là, oh non, pas en français. Là, je suis retourné au magasin avec mon père. Là, comme mon père, pourquoi c'est en français? Mais c'est pas cool en français. C'est pas cool. C'était pas in en français. Puis là, je suis retourné l'échanger du tronc consommateur. J'ai dit, je le veux plus en anglais. Je le veux pas en français, je le veux en anglais, s'il te plaît. Je me suis trompé. Ah là là. Qu'est-ce que le jeu avait pour attirer tout le monde? La musique. Ah oh, ouais, c'est clair. La musique de Super Mario World, là, c'est énergique. C'est, si tu veux, il faut compléter le level assez rapidement parce que la musique elle est comme. Elle commence tout de suite en partant. Puis là, il faut que tu avances, il faut que tu trouves les petits chemins, plein d'affaires, ramasser toutes tes affaires. Puis là, tu vas arriver à la fin, puis tu vas t'assurer d'arriver en haut d'une espèce de la barre pour essayer de pogner ta vie. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'aussitôt que tu commences à jouer, déjà, t'es comme dans une petite map, puis là, t'as un choix de deux chemins. T'sais, on sait que si tu vas à gauche, tu vas aller pogner le bloc jaune, là, qui va. Le gros bloc jaune, là, qui va t'aider tout au long de la partie, ou sinon, tu progresses. Mais déjà, juste ça, là, en tout cas, moi quand j'étais kid, là, juste ça, là, ça me faisait capoter, là. Puis je veux dire, le jeu est le fun, là. Parce que. Faut comprendre que dans le fond, le Mario qu'on a eu avant celui-là, c'était Super Mario Bros. 3, qui était, on s'entend, fucking bon, là. Mais Super Mario World, il est beau en plus, là. T'as vraiment un bel upgrade, là. Tu sais, quand Mario, il pogne la plume, là. Ouais, la cape. Il change beaucoup de la petite queue de Mario dans Super Mario Bros. 3. Genre, ça, vraiment, là, on sentait l'upgrade. En plus. À ça, tu rajoutes un Yoshi que tu peux utiliser quasiment comme tu veux. Un moyen de transport. C'était complètement débile, là. Ben, tu sais, c'est que le jeu donnait c'était straightforward, mais donnait l'impression que tu avais comme un certain choix, comme tu dis. Tu as un point, Mario, tu arrivais, ok, tu avançais, mais c'est déjà un petit peu copié de Mario, le world map. Mais. Ouais, mais t'as 10 000 fois plus de petits chemins secrets que tu peux utiliser. Oui, c'est ça, ils ont exploité ça. Le world map de Super Mario World est carrément différent de ce qu'il y avait fait. Oui, mais c'est pas comme si on l'avait pas vu. Tu sais, mettons Mario Bros. 3, oui, parce que le 2, il y en avait pas. C'était le world map est implanté dans le 3, mais quand t'arrives dans Super Mario World, oui, c'est gros, c'est beau, man, des espèces de beaux graphiques. Puis oui, il y avait beaucoup plus de secrets là-dedans. Puis en plus, parce que le jeu, il est drôle. Tu sais, vous vous souvenez à chaque fois qu'on battait un château, là? Ouais, ben, à la fin, il y a une petite animation différente à chaque château. Ouais. Qui sont super drôles, là. C'est vrai. Il fait exploser la tour ou il jump dessus pour l'écraser. Ouais, il a fait décoller un moment donné. Il passe son TNT, là, ça marche pas, ça va à côté du château, ça y explose en pleine face. Ouais. Ben, ça donne de la personnalité au jeu, ça donne de la personnalité au personnage. Tu ne sentais pas juste « Ah, c'est Mario, c'est un skin ». Non, tu sentais que, je sais pas, ça donnait justement de la personnalité, ça donnait de tough ou de personnage. Puis c'était dynamique aussi, tu sais, c'est pas tout le temps répéter la même chose. Non, surtout à la fin, tu sais, tu viens de finir un level, tu viens de finir tout le level et le boss, ça, tu mérites un petit quelque chose. Surtout, tu sais, c'est pas un RPG où tu as un nouvel item, un nouvel upgrade, une nouvelle affaire. Au moins, il y avait ça, tu sentais, aïe, le boss du level 1, il a comme kické le château, et dans le 2, il a mis de la dynamite. Fait que, tu sais, comme kid, c'était super parfait. Mm-hmm. Et ce jeu-là, aussi, c'est un des plus préférés des filles. Mais pourquoi? Ben, moi, je pense que c'est pas mal le jeu qui a embarqué la plupart des filles dans le gaming à cette époque-là. C'était accessible à tout le monde, des gens partant. Il est beau, il est cute. C'est ça, Yoshi. Ouais. Si je ne me trompe pas, il me semble que le Super Nintendo qui est sorti ici, il n'y avait pas peu de jeux. Non. Il n'y avait pas d'alternative à Mario vraiment quand Mario est sorti. Ah. Si tu aimais les jeux de plateforme, oui, tu sais. Il y avait Sonic à Genesis. Ouais, mais ça, c'était. Oui, mais Super Nintendo. Ah, il n'y avait pas grand chose. T'sais, c'était. T'as un Super Nintendo, t'aimes le Super Nintendo, tes amis ont un Super Nintendo. Tout le monde avait un Super Nintendo ici, quasiment. C'est ça. Fait que tu te ramasses avec le jeu, puis il n'y avait pas d'autres vraiment alternatives. C'est pas comme, ouais, il y a Mario, mais il y a ces deux autres jeux-là. Fait que tout le monde a joué à Mario World, man. Tout le monde que je connais qui a déjà mis les mains sur une manette de Super Nintendo a joué à Mario World, comme Tetris au Game Boy. Man. Ouais. Mm-hmm. Effectivement. Puis pourquoi que Yoshi a autant de succès? Il est cute, c'est comme un petit chien, c'est un pet, man. C'est le fun à jouer, en plus, là. Hey, man, c'est sa personnalité. Tu gobes des coquilles, puis selon la coquille que tu gobes, ça fait un effet différent. C'est juste du génie, là. C'est trop bien réfléchi. Là. En plus, tu peux t'en servir pour faire un double jump, puis le crisser dans un trou. Ouais, c'est ça. Si t'as pas de cœur. N'oubliez pas les bébés Yoshi. Les bébés Yoshi que tu nourris pour les faire transformer, là. C'est malade, ça, là. Ouais. Il était cute comme personnage, tu sais. Comme je te dis, t'avais Mario, Luigi, deux gros barbus obèses avec des moustaches, tu sais. C'est comme... ce n'est pas cute. Le personnage est dessiné de manière cute, mais c'est pas super cute. Tandis que là, tu tombes avec Yoshi, qui est, comme je crois, beaucoup plus intéressant comme personnage. Comme je t'ai dit, c'est un petit pet, un petit animal. Oh, il est tout cute, il fait des petits yeux, il fait des petites boules de feu. Là, comme tout le monde était excité, c'était drôle, même. Marie, toi, qu'est-ce que t'en penses de Yoshi? Moi, je trippe sur Yoshi. Je suis comme la plupart des filles, je trippe sur Yoshi. Mais j'aime le fait qu'il y ait aussi sa personnalité dans un sens qui apporte quelque chose aussi au personnage de Mario puis de Luigi, tu sais, quand tu le joues. Tu sais, c'est pas juste un personnage pour te déplacer, mais tu peux l'utiliser pour t'aider. C'est ce que j'ai trouvé, ce que je trouvais le fun également, là, tu sais. Il était pas juste là par parure. Puis c'est ce que je trouvais le fun, c'est que c'est pour ça que les gens aiment tant jouer avec Yoshi, parce qu'on sent, puis pourquoi il a autant été apprécié rapidement aussi, là. C'était le premier monde à Mario Bros. Ouais. Aussi, oui, c'est vrai. Quasiment le premier monde, point. Ouais, le seul. Puis il y avait la légende de moi, tu sais, mes chums me parlaient, hey, il y a un Yoshi bleu. Fuck off, un Yoshi bleu, man. Il y a un Yoshi rouge. Fuck off. Il est pas bleu, là, il est mauve quand même. Mauve, pardon, je dois le tenir. Il y avait un mauve, un jaune, puis un rouge. Mais tu sais, moi, j'y croyais pas, là. Je dis, ben, voyons donc, tu sais, moi, Yoshi, c'est juste un vert, je voyais, jusqu'à temps que je me rende plus loin, puis je fasse, oh, ok. Hey man, le monde des étoiles, là, c'était plus débile, ça. C'était difficile en plus, là. Oh, oui. Oh my god. Mais quand tu le réussissais, là, t'étais vraiment content. Puis là, tu joues au jeu, puis t'es comme, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer, what the fuck. Vraiment. Tu sais, le jeu n'était ni trop facile. Il y avait une barre de progression de difficulté presque parfaite. Si comme kid, ouais, j'ai pas battu trippé, c'était comme presque parfait, là, je sais pas. T'allais dire quoi? Moi, je vous dirais, j'ai l'impression que la personnalité de Yoshi prend en ligne de compte, comme disait Marie, parce que Yoshi, j'ai l'impression que ça faisait en sorte que c'était un personnage qui était unisexe, qui avait pas... en sorte que le personnage n'était pas enclin à un sexe en particulier, ça pouvait peut-être attirer les filles dans le gameplay de Mario qui, normalement, on joue deux gros plombiers, tu sais. C'est peut-être pour ça que ça allait attirer du monde. C'est une analyse intéressante. Bonjour! Bonjour, Antithèse! Yo! Alors, ton avis à toi sur Yoshi, qu'est-ce que tu penses de Yoshi? Pour moi, j'ai le goût de dire que Yoshi, c'est un peu le tien. Ton micro, avance-le un petit peu parce qu'on t'entend quasiment... Et comme ça, ça marche-tu? C'est un petit peu moins payé, ouais. Un peu moins payé. Ah, là, c'est mieux. Et les boys, pépépépépépépépé. Excusez-moi. Pour moi, Yoshi, c'est un petit peu comme le Jar Jar Binks de Super Mario. Et ok, développe. Voyons donc, c'est... j'aime bien que c'est de la merde, là. Oui, yes. Ah, mais voilà où c'est que ça s'arrête, c'est que dans le fond, c'est ça la différence entre les deux personnages, en fait, c'est qu'au moins Yoshi réussit à être cute. Jar Jar Binks essaie trop fort d'être cute, mais sérieusement, c'est parce que les deux, vous avez parlé de personnalité, mais les deux... ont également des personnalités assez simplistes, assez enfantines, mais c'est juste que ça marche mieux pour Yoshi parce que son apparence est plus attirante. Ok. D'accord. Selon vous, Mario Bros 3 ou Mario World? 3. Oh my god. Oh yoy. C'est eux. Parce que là, ils sont pas à armes égales, là. C'est-à-dire que Mario World, c'est Mario 3 avec les améliorations que peut offrir la Super Nintendo. Fait que le support de Nintendo à Super Nintendo, c'est sûr que la Super Nintendo a plus à offrir, là. Ben, c'est ça. Mm-hmm. Ben, mettons, c'est les deux la même console. Mettons, le Super Nintendo et le Nintendo, c'est la même console. Non, mais les jeux évoluent. Ben, admettons que les jeux suivent la même trame, sauf que un est une évolution des graphiques. Vous n'êtes pas capable de trancher lequel qui est le meilleur entre les deux? Lequel que vous préférez? Premièrement, on dit graphisme. Graphisme. Learn to sure, talk. Je vais tirer ta langue plus loin encore, Arcade. Hein? Je suis sûr que tu pouvais tirer ta langue encore plus loin, Arcade. Graphisme. Tu vois, là, on a eu un long gap d'une minute pour rien à cause de ta niaiserie. Bon. Non, à cause de toi qui sais pas parler. Et ça a l'air de niaiserie, il y a toutes les applications de jury pour Evo. Mais moi, je vais corriger Alpha parce que le graphique est accepté en langue française dans le contexte d'une interface graphique ou une interface où les éléments hein? sont dessinés sous forme de pictogramme. Hein, man? Hein, tu sais quoi? Non, non, non, non, attends. Wow, là. Hold on, là. Oui, où tu vois ça? Un graphique, c'est un graphique, là, OK? T'as un axe par là, un axe par là, t'as une courbe, là. Un graphique en tant qu'objectif mathématique, informatique, dans les notions logicielles ou matérielles, et en graphisme, le mot graphique est utilisé aussi pour les dessins et les pictogrammes. On dit une carte graphique et non une carte graphisme. Effectivement. Oui, mais le graphique devient le qualificatif à ce moment-là. Devient la définition. Oh. Pas le nom. Non. Le gros. Okay, oui. C'est quelqu'un qui est bon en français qui peut vraiment faire une vérification. Ouais, regarde, je vais le dire en anglais, OK? Moi, je regarde ici, là, puis le grade mot graphique peut être employé comme adjectif en mathématiques, en information. En informatique, c'est deux différentes catégories, soit une notion matérielle ou une notion logicielle. En graphisme, l'identité graphique est censée représenter visuellement une entreprise ou une organisation. Donc, on va dire un graphique. Ouais, ça dit rien, ça. Regarde. Notion logicielle, une interface graphique est une interface où les éléments peuvent manipuler, sont dessinés sous forme de pictogramme. Un environnement graphique est un ensemble de logiciels qui fournit une interface graphique. On fait du monde. Le mode graphique désigne un type d'affichage. Ça chute. OK. On a un de plus. OK, so let's say you have the choice between Super Mario World 3 and Super Mario World. So what do you choose? Huh? Which one do you like the most? Let's say it's the same console. So now you have a choice to make. Which one do you prefer? Arrête de parler anglais, par exemple, parce qu'on vient de perdre quelqu'un d'autre. Non, c'est un Français qui est sorti pour aller chercher d'autres. OK, Mario Bros. 3 ou Mario Bros. World? Joe? Super Mario World. JP? Je sais pas. Ah, c'est lui qui pose la question, mais il n'est pas capable de répondre. En tout cas, ben oui, mais je pose la question. Je m'attendais à que vous donniez des réponses avant moi. Trop difficile à choisir. Passe. Jug? Hein? Excuse, quoi? Mario Bros. 3 ou Mario Bros. World? Ah, je réponds pas à cette question-là. C'est quoi cette question-là? Ben quoi? Une question comme les autres. Je réponds pas à ça. C'est comme la question sur la porte à gauche, la porte à droite. Écoute, je suis d'accord avec Jug. Là. La question est pas fair. Tu peux pas comparer Mario Bros. 3 avec Super Mario World. C'est genre les deux meilleurs jeux de chaque console, là, mais une console est définitivement en avance sur l'autre. Là. Tu peux pas être d'accord. Tu t'es dit lequel tu préfères, puis non, lequel qui est le meilleur. Tu dis quoi? Là, lequel que je préfère. OK, là, ça peut se faire. Oui. Ça peut se faire. C'est dur à répondre, on va te dire, là, mais déjà, ça a plus d'allure. Je dirais le 3. C'est juste pour le fait que c'est le premier jeu que je me suis acheté avec mon propre argent, ever. Fait que... Ah! La fierté de Jog. Donc, c'est l'ancêtre de ta PlayStation 4, Dragon Slime Edition, avec... dans ton évolution d'achat de jeux vidéo, là. Pas à ce point-là. Il n'a pas fallu que je prenne un prêt là, pour avoir mon jeu de Mario 3, là. Ah, fibole! Ben, man, c'était aussi cher, hein? Le jeu était aussi cher dans le temps. Je payais presque 100$ un jeu, puis les consoles valaient presque le même prix que maintenant. Des consoles, dans le temps, à 280$, un Super Nintendo. Ouais, mais là, Mario 3 valait pas le prix d'une console maintenant. Non, il venait avec. Il venait pas avec, mais je veux dire, mais tu payais 60$, là. Non, mais il m'a coûté 95 et quelque chose, sans taxe. Ah, mais regarde, les jeux sont 75. Les prix n'ont pratiquement pas monté de. Ouais, mais j'étais camelot dans ce temps-là à Noël, là, je faisais 20$ de type par maison. Ah, ben là. Hé, pas beaucoup. Tu gardais ça comme job. C'est plus comme ça, ça n'existe plus, ça, ce temps. Et non. Donc, mon choix va être à ce moment-là, World. Super Mario World. Marie? Pour ce qui est des souvenirs, Super Mario Bros. World. Alpha, on se contente avec toi ou... Disons que celui que je préfère et non pas le meilleur, celui que je préfère, je dirais Super Mario Bros. 3. juste parce que c'est nostalgique, ça a été celui que... J'ai commencé à jouer à ce jeu-là, j'avais 2 ans. Puis et c'est bon! J'ai eu toute mon enfance, là, fait que c'est vraiment... C'est mon jeu. Donc, vous pouvez rajouter un petit moment... je vais rajouter un petit moment de chanson triste ou de nostalgie lorsque Alpha dira pour moi, c'était mon jeu nostalgique. Lorsque... Ça va être triste. Okay, vous me donnez pas le goût de broyer, vous faites juste me faire honte. Là. Arrêtez ça. On va juste aller voir rapidement ce que les fans nous disent sur le chat. Mario Bros 3. Bon, on dit beaucoup de 3, hein? On a Névrose ici qui dit Névrose, il dit je préfère ma Super Mario Bros 3, les world maps, les costumes pour voler, planer, les bateaux volants, les copalines, etc. Il y a quelque chose de spécial avec Super Mario Bros 3. La série excelle à partir de là. C'est parce que dans le fond, toutes les réponses sont bonnes. C'est une question que toutes les réponses sont bonnes. Mais il établit quelque chose qu'il n'avait pas avant. Tu sais, il aurait pu avoir un autre jeu random qui n'est pas un jeu de Mario dans le sens où il n'y avait pas eu un Mario 1, un Mario 2 avant, puis avoir ce genre de formule-là bien exécutée. C'est parce que c'est un bon jeu qui, bon, en plus, est dans la franchise de Mario. Avec Mario, c'est le jeu qui vient avec la console, puis le jeu était super bien exécuté. Fait que c'est comme le meilleur des mondes dans le fond. T'sais. Puis on vient de finir. On est à la fin d'une ligne de console de Mario Bros 3. Tout le monde qui a adopté après ça Super Nintendo tombe avec, comme on dirait presque une suite logique du jeu, on dirait du Mario Bros version 2.0. Fait que c'était comme une transition pratiquement comme naturelle. Mm-hmm. Bien dit. J'ai l'impression que côté innovation, power-up, on avait beaucoup dans Mario Bros 3. Mais dans Mario World, on s'est beaucoup impliqué, surtout pour le gameplay en tant que tel. Ouais, Mario World, c'était les niveaux. Ils ont vraiment mis l'emphase sur les niveaux et non sur les power-ups. C'est vraiment la grosse différence. Tu as plus de secrets dans Mario World qui élargit ton gameplay davantage. Mm-hmm. Effectivement. Tu vois, Abanix dit de son côté c'est Super Mario World parce que c'était son premier jeu qu'il s'est acheté lui-même. Ah, plein de monde. Il y a une grosse signification quand tu t'achetais un jeu. Oui, ouais, hein? Comme t'as travaillé. Non, mais tu sais, quand tu te le fais offrir, Quand tu sais que tu as, mettons, eu 5$ par semaine pendant 10 semaines, là, tu sais, oui, tu as des cadeaux à Noël, mais quand tu avais ton petit argent de poche et que tu n'as rien dépensé pendant un bout, tu es comme, wow, j'ai de l'argent pour un jeu! Tu sais, mon petit cousin est allé acheter un Xbox One, justement, puis je voyais, genre, sur sa table, il avait étalé tout le cash, mais je voyais que c'est des petites coupures, là, genre des petits 20, des petits 5$, du change. Fait que je voyais que c'était son argent de l'année, là. Puis là, il était tout fourré, mais il est comme, qu'est-ce que j'achète comme console? Tu sais, moi, je suis un adulte, puis je t'ai mélangé, puis lui, c'est un kid, mais je vois que tout son argent qu'il a, c'est l'argent qu'il a travaillé fort pendant comme un an, même de l'argent de poche, des cadeaux de Noël, il y avait comme un chèque, il y avait plein d'affaires. Tu sais, on est allé, genre, l'acheter ensemble, puis on a donné comme plein d'affaires au gars du magasin, on a dit cash, du chèque, du screening, rien comme what the fuck. Il était habitué de se faire payer avec des cartes de débit, puis des affaires de même. Fait que ça a une signification, je pense, beaucoup plus importante quand tu sais que. C'est toute ta petite monnaie qui vient là-dedans. On sait encore plus apprécier les choses, je crois. Ouais. Donc, on pourra en parler la semaine prochaine pour le podcast, parce qu'on fait un podcast sur les magasins de jeux vidéo. Oh, oh! Donc, ça va peut-être être une bonne occasion en même temps de parler de comment on a ramassé les sous quand on était petit pour acheter des jeux. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel premier jeu vous avez acheté avec votre première paye? Par exemple. Je dis ça même. Donc, on pourra garder la discussion pour la semaine prochaine. D'accord. Sinon, à part ça, on va aller voir... Névros dit « pauvre gars du magasin ». Donc, on compatit avec lui. Et sinon... Ah, mais c'était tellement drôle, Névros, en tout cas, excuse-moi. C'était drôle d'avoir le gars dit ça, c'est le contraire. C'est comme « compte !» Là, le gars, des fois, avec des épées qui savent pas compter, là. Il compte les taxes pis tout, en tout cas, c'était drôle. Sinon, c'est à peu près ça. Le monde sont pas mal tous d'accord avec le 3. Puis il y a quelques Super Mario World qui font en sorte que les gens sont, euh, sont plus intéressés. Kevin, il dit, dans Mario World, le fait de pitcher les carapaces vers le haut, c'est différent comme mécanique. Ouais. Effectivement. C'était pas pensé dans Mario Bros. 3, mais ça a été très bien pensé pour Mario World. Les boss, là, dans Super Mario World, ils étaient tous pareils, hein, si je me trompe pas. Non. Ils faisaient toute la même chose. Non. Pas non, les skins, différent. Mais ils avaient tous les mêmes skills, ils avaient toute une baguette. Non, pas la baguette. Non, ça, c'est mais... le 3, ça. Non, soit, c'est, dans... c'est ça. Pas mal dans le 3, ça. Le 3. Parce que le World, World, t'avais les Triceratops, t'avais... Non, c'était tous des boss différents. OK, il y en a un qui chargeait. Ils avaient tous de quoi un petit peu pour les battre de manière différente. C'est ça. Principalement, il fallait encore que tu tapes dessus, mais la manière d'attaquer était différente. Fait que, par exemple, il y en avait un, il pouvait monter, mettons, en haut. Puis dès que tu te croisais en bas, ben il s'en est tombé. Fait que fallait que tu t'arranges pour te tasser de côté afin de t'assurer qu'il ne te touche pas, finalement. OK, fait que t'avais une manière. OK, je me trompais entre les boss des... Ben pas je me trompais, je savais c'était quoi les boss de Mario Bros. 3, mais je m'en souvenais plus dans le world s'ils avaient de quoi de différent pour les battre. Puis Bowser, qui était super excité quand vous êtes rendu à Bowser, man? J'étais excité, mais je t'avouais que le combat, j'étais comme... Il est fucking lame. Il est lame. Comparé, mettons, à Mario Bros. 3 que... OK, là, c'est de la stratégie. Il faut que tu t'arranges pour pas qu'il tombe dessus. L'autre, tu pouvais être nerveux dans le 3. Le Mario World, pas tant que ça. Non. Ben, faut que tu le fasses péter les briques, là. Mais faut que tu gages aussi sa descente. Me semble qu'il était super facile. J'étais arrivé à la fin, puis j'étais un enfant, j'ai fait... Je l'ai battu genre en deux fois. Une fois, c'était pour comprendre qu'est-ce qui se passe. La deuxième, je l'ai battu. J'étais là, what the... C'est pas le boss de la fin, man. Moi, je suis un peu de l'opinion inverse de vous autres, là. Me semble que le boss final du Mario Bros. 3, il est lame, là. Il pète trois rangées de briques, puis il est mort. Ouais, c'est ça. Super Mario World, au moins, t'as différentes variantes, puis, tu sais, il est long, là, puis il est tough, là. En passant, on a Guillaume3232 qui est vraiment dans le champ, totalement, qui dit Mario Bros. 1. Ouais, c'est vrai que c'est le meilleur. Il est pas voté, c'est tout. Surtout si c'est avec Duck Hunt, là. Aïe, aïe. Ouais, tant qu'à y être, tu vas dire de Lost Levels. Y a-t-il quelqu'un qui s'est essayé vraiment à faire le tour de celui-là? Ouais. Moi. Ouais. J'ai réussi, une fois. Fuck du travail. Moi, là, il faudrait juste vraiment que je m'installe sa console, puis je fasse « OK, je passe la journée dessus. » À ce moment-là, c'est le fun. Ah, j'imagine. Mais écoute, tu sais, c'est du challenge, là, puis c'est marqué sur la cartouche japonaise. C'est pour les joueurs expérimentés. Oui, oui, oui. Elle est. Elle est tough. Ok, oui. Le monde jase beaucoup sur le chat de leur premier achat. Je pense que ça va être quasiment un thème de podcast qu'on pourrait se faire en février. C'est merci vrai. Tout le monde. Hey, vous êtes vraiment cool de laisser vos thèmes de suggestions. C'est une suggestion que vous venez de faire, finalement. Là. Fait que, on va en faire un de nos premiers achats de jeu. Tant qu'à ça. Quel autre? Il y avait la différence dans ce Mario qu'il n'y avait pas dans les autres Mario, c'était le fait qu'on pouvait conserver un item pendant le tableau. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, tu ramassais un inventaire, là? Inventaire, mais en haut de l'écran. Il y a un backup 3... de quelque chose en haut de l'écran. Ah oui, mais dans 3, tu avais un inventaire que tu étalé sur 4 pages que tu pouvais accumuler au fur et à mesure que tu étais dans les maisons de Todd. Puis que... C'est au début du level. Là. Genre avant, quand tu choisisses, tu peux aller dans ton inventaire, prendre les flûtes, prendre les nuages, les affaires. Ça, c'est le 3. C'est ça, je dis. Le 3, il y avait ça, mais tandis que le world. T'avais pas ça, mais t'avais dans le level, t'avais comme un backpack. Là, t'avais un backup. Là. Mettons, tu pouvais avoir la plume, tu perdais ta plume, mais t'avais ton backup dont tu pouvais avoir ta plume. Fait, encore une fois, au pire. De toute façon, le meilleur, c'est Yoshi's Island. Ah, oh, solide. Il était carrément pareil. Je l'ai refini il y a pas longtemps. Man. Avec les secrets pis tout? Ah, man. Pas tous les secrets, mais il y a plein de secrets. Le 100% oh, est tellement le fun à faire. Il était super cool, man. C'est un jeu que vous avez tous joué? Ouais. Ouais. Je l'ai gagné dans un concours, man. Ah, mon chanceux. C'est genre le premier prix. Mon club vidéo, il y avait de quoi? C'est Christopher Mario World. J'étais comme Yoshi Island. J'étais, what the fuck, c'est quoi ça? Puis j'allais tout le temps au club vidéo, tu sais. Puis je connaissais, mais tu sais, je parlais tout le temps avec les gars. Puis je faisais, c'est quoi ça? Ah, c'est un concours. OK. J'ai comme mis mon nom. Puis à un moment donné, on m'a appelé. Ils disent, oui, t'as participé à telle affaire. Ouais, ben, ton jeu, il est prêt. Hein? Là, j'étais tout excité. Je me dis, ma faut qu'on est au magasin. Je m'en vais au magasin. Puis là, j'ai un jeu que je n'ai pas acheté. On dirait que ça n'existait pas, les deals, ni rien dans le temps, là. Puis tu gagnais... T'es un kid, t'as pas le droit de la loterie, mais tu gagnes un jeu. Puis là, je vois la cassette neuve dans mes mains, man. Puis j'ai attendu de la déballer chez moi avec un couteau de cuisine à beurre poche, là. Là, je l'ouvre avec les petites dents. Puis je suis comme, oh mon Dieu. Le pire, c'est que je l'ai fini. Puis quand je suis retourné au magasin pour le crédit, pour le fun, il me donnait 2 piastres. 2 piastres de crédit, man. Je suis là, man, tu veux me voler? Je vais le garder, man. Maudit deal de merde. Caster, la cassette, elle vaut très cher. Oui, je le sais. Complete. Oui, j'avais toutes. Je sais plus si où ces affaires-là, là, mais j'avais toutes. je sais pas si t'avais ce feeling-là, juste pour enchaîner rapidement avec... tu sais, quand tu gagnes quelque chose, t'as l'impression que ça te prend du temps avant d'être sûr et certain que ton jeu est à toi. T'as comme toujours le feeling de « J'ai vraiment gagné, moi, là. Tu peux pas, là. » Tu sais, c'est un jeu à 60$. Ben, écoute, j'ai déjà gagné genre des cadeaux surprises. J'avais gagné un plateau en plastique avec 2 verres puis une affaire pour genre de boire un jus d'or. Puis j'étais tout excité. J'ai dit comme ça va valoir 3$ cette cochonnerie-là que j'avais gagné, man. Mais j'étais excité d'aller chercher le paquet, genre, au du moulin puis de le déballer chez nous. Mais j'ai jamais gagné d'autres jeux, sinon. Vous avez déjà gagné ça, vous? Non. J'ai gagné des jeux, mais... Avec des concours. De vie, ça compte-tu? Non, c'est pas un jeu vidéo, ça. Ouais. Pas parce que ça fait bip que ça fait un jeu vidéo, par exemple. Non, mais quand je vois le monde, tu leur fais chier avec ma casse, ça aide. Puis moi, je passe à côté avec mon char, puis j'ai... puis moi, je fais aller de la boîte sur toi, là, puis je m'en vais. Tu prends le micro. Non, j'ai jamais gagné d'autres choses. Non, j'ai gagné des petits jeux de même. Random, j'ai gagné m'emmener des DVD pour lorsque Actualité DVD a fait son 24 heures de gaming live en direct pour l'hôpital de Saint-Eustache, mais j'ai rien gagné des DVD, j'ai pas vraiment gagné de jeu. Fait que je suis quand même content pareil. J'ai gagné des DVD. Je suis curieux avec vous autres de faire sans tricher là. C'est quoi les levels? Mettons, c'est quoi les thématiques de chacun des levels? Est-ce que vous vous en souvenez du premier? Pas chacun des niveaux, mais des mondes, tu sais, les mondes de Mario. Dans Super Mario World? Ouais, mettons, le premier, c'est quoi? Le premier, c'est les plaines. Le deuxième, c'était la rivière. Le troisième, c'était la caverne. Après ça, t'avais... La forêt des illusions, je pense. Ouais, la forêt des illusions. Après ça, t'avais le Donut Plains avec genre l'effet chocolat-sable. Puis t'avais le Bowser Lair, puis t'avais le tableau d'étoiles. Ah, c'est bon. Ouais. C'est fait, je pensais que ça allait prendre plus de temps, mais c'est fait. J'allais dire, on va explorer chacun. Exemple, quand Bowser, sa bouche, elle sort de l'eau après le monde de chocolat, de pépites. Tout le monde dit que c'est des pépites de chocolat, come on, là. Ben oui, c'était Chocolate Chip Island. C'était hot. Puis, qu'est-ce déjà qui t'envoyait aux étoiles? Ah, il y avait une étoile à quelque part qui t'envoyait à l'étoile. Moi, c'était l'étoile qui était à côté du château de la forêt des illusions. Il y avait un petit chemin secret, ça t'amenait à un château, puis quand tu réussissais le château, tu gagnais l'étoile pour monter en haut. Mm-hmm. Tu sais, quand tu jouais à deux avec une manette, tu pouvais-tu passer sur le bonhomme de l'autre puis faire de quoi? Tu peux-tu voler des vies? Il me semble qu'il y avait de quoi, genre, tu pouvais... Non. Juste pour lui donner des vies. Mais tu peux y donner des vies, c'est ça? Exactement. Il me semble que c'est arrivé une couple de fois. OK. Moi, il me semble que je volais des vies aux autres. Genre, j'arrivais ça, là... Ça, c'est chien, mais... par exemple! Fuck off, man. C'est comme des vies à l'infini, c'est pas grave. Ça, dans Tortue Ninja, je faisais ça. C'est un réinvestissement, à ce moment-là, écoute. C'était dans Tortue Ninja que je faisais ça. J'étais mort, game over, puis je voyais mon frère, il avait encore une couple de continue, je faisais push. Hey, mais regardez mon tabarnak, toi! Elle est malade! Moi, le langage, c'est ça, je pense que tout le monde est au courant que les sacs sont permis. Sinon, ils écouteraient pas Tester Alpha. Ah, ah oui, les sacs sont permis. Parle! Ah, des toi! Je comprends pas de quoi tu parles! Hostie, bêta! Qu'est-ce qu'il y a comme élément de Mario? Il me semble qu'on a comme fait ça short. On a comme parlé des boss, les levels, les thématiques, le jeu, notre expérience. Qu'est-ce qu'il manquerait dans... Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, Mario? C'était le premier... Ben, juste une petite parenthèse. C'était le premier Mario où tu peux sauver ta game. Ouais, c'est vrai, t'avais 3 save files. Right? Ça, c'était spécial, ça. Il y avait tellement de levels, etc., qu'il fallait avoir une save pour y... parce que sinon, c'était poche tout à refaire. Ouais. Même si on la refaisait 50 millions de fois pareil. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui manque à Mario World pour faire en sorte que le jeu soit parfait? De pouvoir avoir la mention 100% décrite dans ta game. Ah, ben oui, lui-même. Ben, J'étais tellement, genre, à essayer de trouver tous les secrets pour avoir 100% d'écrit, mais non, il était jamais écrit. Mais tu l'as pas même si tu finis tout? Non, c'est 97%. Hein? Tu peux pas avoir ça? Hein? Mais non, tu peux pas. T'es sûr? Ben oui. Ben oui. Hey, je vais te ressortir mon Super Mario World et je vais essayer avec ma game à 100, man. On va se le taper, toi, puis moi, tu vas voir, on va se rendre à 100%. Go for it. Mais ouais, c'est... Faut filmer ça, hein? En direct, au jeu animé. Ok, ça y est, on fait un stream avec Joe. Puis, on fait un stream, une levée de fond, nous autres, pendant 24 heures, on doit finir Mario Bros. Je suis tellement willing de le faire. Moi, les 4, j'espère. Ils vont le finir bien avant ça. On va se faire une levée de fond. On fait un stream, 24 heures, une cam sur nous autres, une cam sur le jeu. Ça prend pas 24 heures. Ah non, j'ai raison. Ah, là, t'as compris, là. On peut juste se rendre à 96. Hein? Ça me que non. Non, je suis d'accord avec Jacques là-dessus. Je pense qu'on peut avoir 100% dans le jeu. Parce que je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais vraiment piste après le jeu. Parce que j'ai passé des semaines à essayer de trouver le secret. Puis, parce que ce qui se passe, c'est que le boss de la fin compte pour le dernier 4%. Fait qu'il t'affiche jamais 100%. Ah ouais? Ok, fait si vous avez vraiment 100%, montrez-moi-le. Parce que ça veut dire qu'il y a un secret que j'ai pas trouvé. Dans quoi, Super Mario World? Mais, même avec l'étoile faite au complet. Oh, oui. J'avais tout de fait au complet. J'ai c'est jamais vrai. Eu 100 d'écrit. C'est vrai, c'est 96 de chiffre final, mais si tu vois le boss final, ça donne 100, techniquement. Mais tu ne l'as pas sauvé. C'est vrai. Il a raison. Puis pour un complétionniste comme moi, j'étais vraiment comme, il y a un secret à quelque part. Il y a un secret à quelque part. Fait que je suis retourné dans la Callisto Forest of Illusion pour trouver le tableau dans le... dans le cross, mais finalement, non. J'ai jamais eu 100%. Ah. Fait que ça a arrêté à faire. Je suis sur des forums, puis ils parlent de ça. Yeah, 100% when I was a kid. I beat this game 100% when I was a kid. I don't believe it was actually say 100%. Il y a du monde qui dit ça. Le 96 revient souvent. Il y a quelqu'un qui parle de quoi dans la terre de... dans le vol des étoiles. À voir, je sais pas encore. C'est 96, ouais. Ah ben, il nous a corrigé, bravo. Bam. 96, c'est comme le 100% du jeu, dans le fond. Écoute, on peut pas tout avoir raison sur tout, hein? Non, c'est ça. Fait que, donc, c'est le challenge de le faire à 100%, est-ce qu'il est tough, Joe? De quoi? Le fait de le faire à 100%, est-ce que c'est tough? Oui puis non, en fait, parce que les hosties de tableau là, de l'étoile, oui, c'est difficile. Oh. Si t'enlèves l'étoile, pas vraiment, les niveaux sont quand même corrects, puis la progression est là. C'est une fois que t'arrives dans le niveau de l'étoile que là, tu t'arraches le jeu de la tête parce que t'as pas droit à l'erreur. OK. Retour vers le rétro, va mettre un bon point. Les musiques, man, de Super Mario World, là, tu sais, la tonne... La première chose qu'on a dit... Ouais, on a parlé tantôt, ça. Mais le fait que la musique change des... lorsque tu avais Yoshi. Ouais, la musique, elle change quand tu as Yoshi. Oui, une espèce de petit beat de bongo en arrière, ou je sais pas quoi. Alors, c'était la musique... Version arcade rétro. Oui. On refait toute une soundtrack juste avec ça. Fait qu'on s'enregistre toute une toune chacun, puis on fait un rom hacké, puis on met nos voix qui chantent les tounes. Ouais, puis c'est ça, ça doit être dégueulasse. Michael, genre Super Acro World. Beta, c'est pas les sound effects. Ah, en passant. C'est Yoshi, puis Alpha, c'est. Je me demandais à Michael Larouche de le faire, hein. Il avait été capable de changer toute la soundtrack de. Voyons, le jeu de course avec les tounes de métal. Ah, F-Zero? Hein? C'est F-Zero ou non? Non. Rock'n'Roll Racing. Racing. Sauf qu'il a mis les vraies tunes à la place des tunes de chippé. Mais c'est un ROM? Oui. OK. Ben, il fait jouer sur la une cartouche que tu peux mettre, mettons, des jeux sur une carte flash. Ben lui, ce qu'il fait, c'est qu'il change la ROM, la sound qui est de la musique, il change pour le mettre en MP3. Pour que ça sonne mieux. Il va être là au G-Animé, il va amener sa version de Mega Man X avec la musique qu'il a refaite. Nice. Faut jouer à ça. Elle est vraiment nice. Donc, c'est à essayer. On pourrait peut-être y demander. On va peut-être faire un super Acro World. On fait ça, puis toutes les sound effects, c'est des sound effects faits avec notre bouche. Oh my god! C'est Mario World, mais on a le choix de bonhomme au début. Okay. Mais ouais, je fais le son quand tu rentres dans un tuyau. Oh, come on! Ah, c'est dirt, là. Là, je veux Joe. Je veux que Joe, ça soit Mario. Puis Alpha, ça soit Luigi. Oh, tellement! Puis Yoshi, c'est bêta. Yoshi, c'est bêta. Oui. Oh my god! Ok, ben je veux être Bowser de bord. Non, toi, t'es Lemmy. Lemmy? C'est un Toad. Son fils. Un de ses fils, ouais. Ah non, Mary, t'es la princesse. Il y a pas de. Ouais, la princesse est folle à la fin, pas mal. C'est qui porte une robe rose dans Philidas? C'est bêta. J'avais pas le choix. Et toi, il porte une cam, on va dire la même chose, oui. Aussi. C'est beau. Fait que, on va aller faire un petit tour rapidement sur le chat avant de quitter. Voir qu'est-ce que les gens nous racontent. Ben écoute, c'est... Il y a Luduc qui cherche ses toilettes. Luduc, la porte à côté. À gauche. Sinon, à part ça, on demande à Luduc de se déguiser en Jigglypuff, donc c'est encourageant. Bon, le même demande de mariage de Luduc, mesdames et messieurs, let us Miss Jude, dit Luduc, marie-moi. Ah bon. Ah, oh, Julie puis Luduc. Sinon, ça parle beaucoup du monde secret du Stars de Mario World, donc effectivement, ça fait en sorte que... ce monde-là a fait rager bien du monde. Sinon, c'est pas mal le tour que je vois sur le chat. Je vais commencer avec Joe. Comment on peut te contacter sur Internet? Excuse-moi, je viens de voir le commentaire de Cédric. C'est juste malade. Ben, t'es les grosses marmottes à la fin. Big Ben, c'est les grosses marmottes. C'est vrai que... est-ce que je t'ai parlé de l'initiation des YouTubers? Il n'a pas encore passé, hein? Qui ça? Toi? Non, pas encore. Oui, Cédric, on n'a pas passé l'initiation des YouTubers, hein? Non. Bonne chance, ça se fait au G-Animé, mon cher. Oh! Prépare-toi à Port du Loup. J'en ai toujours avec moi. À Port du Loup, ça se passe du stage. Au Perlé, t'as du crachat, ça, ça fait la job. Non, c'est pas assez consistant. Ça dépend, c'est qui crache. Vous êtes donc bien dégueulasse! Joe, okay. Comment vous pouvez me contacter sur premièrement, vous pouvez me contacter par email au groupe entredugeek@gmail.com. Je fais mon tour là-dessus tous les jours. Sinon, il y a le forum des accros. Je viens voir pour mes messages privés assez régulièrement. Donc, vous pouvez aller sur le forum d'accro des jeux. Je suis disponible là-dessus. Sinon, il y a aussi ma page Facebook à l'entredugeek sur Facebook. Donc, venez faire un tour. Antithèse, comment peux-tu contacter? On peut contacter par le biais de mes courriels, à antithèse@gmail.com ou yahoo.ca. On peut me suivre sur YouTube à antithèse segment ou juste marquer ANTYTHESE. Je vais aller me trouver du premier coup. Ça, je vous le garantis. Mais la meilleure manière demeure sur le forum des accros sur accrodesjeux.net. Arcade Reto, comment on peut te contacter? On peut me contacter sur Internet, sur YouTube, Arcade Retro 83. Arcade Retro 83, vous allez trouver ma grosse facelette dessus. Ou sinon, Facebook, parce que si vous êtes juste sur YouTube comme abonné, des fois, vous pouvez manquer des affaires que je vais mentionner sur Facebook. Exemple, des petits hints ou des commentaires ou une explication sur mon prochain vidéo puis un paquet de niaiseries. Donc, sur Facebook, c'est Arcade Retro 83. Et il y a également sur accrodesjeux.net, Arcade Rétro, puis il y a tout mon profil là avec tous les liens, tout. Bon. Jog, de ton côté? On peut me rejoindre sur Facebook, en simplement allant sur Facebook en cliquant « J'aime » ou en allant sur YouTube en cliquant « Inscrivez-vous à ma chaîne ». Puis, ben, c'est ça. On peut me laisser des messages aussi à jog@commercialjustingamer.com et aller sur raccourdesjeux.net. Marie-Lune, de ton côté? On peut me trouver sur YouTube, bien sûr. Cherchez les découvertes de Marie-Lune, vous allez me trouver tout de suite. Sinon, vous pouvez me trouver sur Facebook également. Vous pouvez me trouver sur Twitter, Instagram. Vous pouvez me trouver par courriel, blog de Marie-Lune, @commercialjustingamer.com, mais bien sûr, sur le site des accros et sur le forum. Tester Alpha de ton côté? Mais c'est comme d'habitude de vous taper Tester Alpha soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur YouTube, un peu partout. Et je suis mon tour dans tous les réseaux sociaux. Donc, je suis assez facile à rejoindre si vous désirez me rejoindre. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir communiquer avec moi. Vous pouvez tout d'abord utiliser le Facebook des accros des jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Il y a également le Twitter des accros des jeux, @commercialaccrosdesjeux. Il y a également la chaîne d'accros des jeux, youtube.com/accrosdesjeux. C'est là que vous pouvez écouter en direct tous les podcasts, les mardis soirs 20h, ainsi que toutes mes vidéos me concernant. Et également, il y a le courriel des accros des jeux. Et juste pour vous dire que j'aimerais remercier Accros des jeux qui m'a écrit, qui dit Best Buy à 99 cents la pilule. Merci beaucoup, accro des jeux. Je savais pas que t'étais un aussi fringant que moi. Ah, ben ouais. Combien 99 cents, t'as dit? 99 cents la pilule. Ok, c'est bon, ça. Je m'enverrai ça en privé. Ah, d'accord. Soyez avec nous la semaine prochaine. On va parler des magasins de jeux vidéo. On fait un retour sur les magasins qu'on aime. Et d'ici là, c'était le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Marie-Lune. Tester Alpha. Arcade Rétro. John Vorpal. Joe. Oh mon Dieu, t'as eu la misère à décider de ton dernier nom, hein? Pour le podcast des accros, merci beaucoup d'avoir été présent. On se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye. Si Dieu le veut.